Changer depuis l'époque, j'attends pas d'être validé. On avance toujours chez nous, frelons pas de marche arrière. Le temps court, ego, moi je fais que guetter le sablier. J'aurais préféré que toi et moi on soit des alliés. Tu cuis pas comme les autres, tu es de speed dans le bang, je suis postiché. Font la queue dans le hall pour rouler des cônes, t'as pas idée. Tous décollent du quartier avec une mallette pleine de billets. Toute la maille du road dans la zone, y'a son père, y'a que dans des envies. Ça va pas, je veux pas qu'ils connaissent ma vie. Et ouais, frelon, je viens d'en bas. Chez nous, on parle pas dans le vide et tu verras. Ta malade te laissera et prendra la fuite. T'inquiète pas, la darba passera sans doute fin à celui. Ils n'auront pas mon bif, ils n'auront pas mon monde. Une centaine d'ennemis, je les aurai à la longue. Moi, je m'en passe sur mon bif, non, je m'en passe sur les ondes. Ma weed les paralyse, ça puis je les rends par haut. Ils n'auront pas mon bif, ils n'auront pas mon monde. Une centaine d'ennemis, je les aurai à la longue. Moi, je m'en passe sur mon bif, non, je m'en passe sur les ondes. Ma weed les paralyse, ça puis je les rends par haut. Tu lui sers plus la main, t'as des blèmes avec, c'est pas les miens. J'suis dans le 5-9 à Lille, un peu trop à l'aise, regard serein. J'tire des barres de malade, maman me dit qu'il faudrait me soigner. Des problèmes plein la tête, il m'en veut de là qui fera réveiller. On veut les billets, le million de la cité, on veut s'en aller. On veut les milliers, le million de la cité, on veut s'en aller. Dans ma tête, ça va pas, je veux pas qu'ils connaissent ma vie. Et ouais, frelon, je viens d'en bas. Chez nous, on parle pas dans le vide et tu verras. Ta malade te laissera et prendra la fuite. T'inquiète pas, la darba passera sans doute fin à celui. Ils n'auront pas mon bif, ils n'auront pas mon monde. Une centaine d'ennemis, je les aurai à la longue. Moi, je m'en passe sur mon bif, non, je m'en passe sur les ondes. Ma weed les paralyse, ça pige les rends par haut. Ils n'auront pas mon bif, ils n'auront pas mon monde. Une centaine d'ennemis, je les aurai à la longue. Moi je m'en passe sur mon bif, moi je m'en passe sur les ondes. Ma weed les paralyse, ça puis je les rends par haut. J'ai pas changé depuis l'époque, j'attends pas d'être validé. On avance toujours chez nous, frelons pas de marche arrière. Le temps court et court, moi je fais que guider le sablier. J'aurais préféré que toi et moi on soit des. Ils n'auront pas mon bif, ils n'auront pas mon monde. Une centaine d'ennemis, je les aurai à la longue.